Hip Hop Émergence Volume 2. Ouais. Créo TPA. Yeah, yeah, yeah. Peugeot 307, pas de bouffe dans une limousine. Ça roule des bêtes, pas de schnouf sur la table de la cuisine. Et flip d'alcool, odeur de club dans le living. Je squatte plus souvent avec mes potes qu'avec des blondes en leggings. Rappeur indépendant, on se prend pas pour des kings. Missiles, scud, rap, cuisine, dévation, t'as les vikings. Ce que je peux pas me payer, je le regarde dans les vitrines. Je vais pas te pleurer en te disant que je mène une vie triste. J'emprunte pas l'autoroute du succès. Je préfère arriver par surprise en sillonnant que des petites pistes. Depuis 16 ans dans le rap, j'ai pris au cœur raccourci. Si ça doit payer, ça paiera, l'expérience m'endurcit. Trop malin ou pas, j'ai jamais pris de sursis. Accusé à tort, coupable, idéal, putain de justice. Quand je chope une angine, je me soigne au rhum. Les femmes sont des déesses, impossible d'être misogyne. Rien à foutre de vos régimes. J'aime le foot et manger gras, ouais, je suis fier de mes origines. Créons un loup-garou qui sort de la brume. Si tu lèches mes bourses, ça ne te laissera pas le goût de l'agrume. Ferme ta bouche et respecte les grands de ce monde. La roue du succès est longue, fatiguant, t'es truffé d'embûches. Ferme ta boca et respecte nos aînés. T'aimes pas ce qu'on fait, on t'a jamais demandé de nous aimer. Félicite trop, ça m'émeut, ça me gêne. C'est dénommé créo, artiste renommé local. Aucune tricherie, j'achète ni mes vues ni mes j'aime. On se croise, on se check, on se prend un petit coup à l'occasion. Quand on me félicite, ça m'encourage, mais ça me gêne. M'envoie par un tiers du TPA, un crew de vandale. Je m'en pars du pic, je m'en bats et je m'applique. Au mic, je m'emballe sur une prod de cheese à la réplique. Je vois le joli sourire, maman, peu à peu se rider. Les photos souvenirs se jaunir et se friper. La vie défile vite, personne ne peut la freiner. On devient fébrile, la santé se dégrade, un rythme effréné. Mon frère a grandi, il est fier dans son petit bolide. Je le revois bébé aujourd'hui, il est fort et solide. Dans le sablier, les grains s'écoulent et s'écoulent. Des fils s'éteignent pour toujours et des familles s'écroulent. J'ai passé la trentaine et je me vois déjà vieux. J'ouvre grand mes yeux, c'est pas pour autant que j'y vois mieux. Opération ratée, blessure dure à cicatriser. Mes nombreux passages. Je bloque mon traumatisé. J'assure, je m'assume, toute ma su sur le mental. J'évite les coups foireux, ils sont souvent peu rentables. Graffiti, lyrics, TPA, quadrilla. Pas de mascarade, sincérité comme tonton Padilla. Les années de déprime m'ont flingué le moral. Plus aucune envie, même pas celle de faire mon rap. Ma souffrance est retrouvée face à ma volonté. J'ai chuté en bas de l'échelle, mais je l'ai vite remonté. Perpétuelle recherche de thèmes et de prods, on m'intègre. Je lis vos commentaires sur les réseaux sociaux. C'est pour mes princesses aux belles crinières, mes cachots, mes cachots, mes socios et mes cas sociaux. Quand on félicite trop, ça m'émeut, ça me gêne. C'est dénommé créo, artiste renommé local. Aucune tricherie, j'achète ni mes vues ni mes j'aime. On se croise, on se check, on se prend un petit coup à l'occasion. Quand on félicite, ça m'encourage, mais ça me gêne. M'envoie par un tiers du TPA, un crew de vandale. Je m'en pars du pic, je m'en bats et je m'applique. Au mic, je m'emballe sur une prod de cheese à la réplique.